Crush the Fascists. J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. Salut, vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM, vous êtes dans l'émission antimilitariste J'irai pas, tous les premiers mercredis du mois. Et il se trouve que, on est le premier mercredi du mois, on est le mercredi 2 octobre, mais il est que 16h36. Habituellement, on se retrouve à 17h, et à partir de maintenant, on se retrouvera plutôt de 16h30 à 17h30, afin de laisser plus de place aux émissions qui vont suivre. Voilà, donc c'est une première. On a peut-être les habitués de J'irai pas seront étonnés à 17h de nous retrouver plus tôt que prévu. Mais bon, c'est pas grave, on va commencer cette émission maintenant. Et vous avez probablement remarqué qu'on a une nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. C'est pas maintenant qu'il faut que je dise bonjour. C'est pas toi la ministre. Ah non, pas du tout. Non, moi je suis l'invité, pardon. Eh ben, on accueille aussi Aline qui n'est pas encore ministre de l'Éducation nationale. Ouais, j'irai pas. Non, tu iras pas. Non, j'irai pas. Mais on me demandera pas, ça tombe bien. Bonjour tout le monde. Salut. Et pourquoi je parlais de la ministre de l'Éducation nationale? Parce qu'en fait, il se trouve qu'elle a servi pendant 2 ans en commission. De la défense nationale et des forces armées. Et ça paraît bizarre pour une ministre de l'Éducation nationale d'avoir ce pédigré. Mais finalement, on a parlé du SNU, du Service national universel, dans nos émissions. On en a parlé plusieurs fois. Eh bien, peut-être que c'est pas si étonnant que ça qu'une ministre avec ce pédigré arrive à l'Éducation nationale quand on sait que le SNU est en co-tutelle entre le ministère des Armées et celui de l'Éducation nationale depuis déjà pas mal d'années, depuis Macron Ier. C'était une promesse de Macron Ier. Oui, puis Charles Hernu, qui avait été ministre sous Mitterrand, il me semble, avait signé un protocole armée-éducation. C'est ça. Voilà, un ministre socialiste. Et On avait parlé de ce protocole Hernu avec un invité qu'on avait accueilli au téléphone, qui nous avait parlé de son bouquin qu'il avait coécrit avec d'autres antimilitaristes lyonnais, qui racontait l'histoire du GARM, du groupe d'action et de résistance à la militarisation, un groupe qui agissait sur Lyon et qui parlait de ce protocole Hernu-Savary, de militarisation de la jeunesse aussi. Il a parlé pas mal des objections de conscience, il a parlé de la résistance à la militarisation. Et là, du coup, on a fait un saut en arrière, il me semble, en parlant d'Hernu, en parlant de tout ça. Et ça tombe bien, Ah bah voilà, quelle transition. Ça tombe bien parce que justement, quand on parle de militarisation, on a la chance d'avoir un témoignage d'une personne qui a vécu ce qui s'appelait le service national, qui a été suspendu, et pas supprimé, mais qui a été suspendu en 97. On a un précieux témoignage d'une personne qui va nous raconter son service militaire dans les années 70. Et avant ça, on voulait passer une petite chanson. Ah bah oui, une chanson aussi raccord, puisqu'il me semble qu'elle date de 1977. C'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Castellémis, et cette chanson s'appelle... L'armée. On commence par l'armée. Ouais, voilà. C'est ça ? C'est ça. Allez. Oui. Eh bien, on l'envoie et on se retrouve après cette chanson. Un quart d'heure, en tout. Ah, et on lance le premier extrait de notre ami. D'accord, donc en tout, ça va faire un petit quart d'heure et on se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure. Un tout petit bout de papier bleu, blanc et rouge et imprimé avec dessus le mot armée. Et puis tu feras ta valise, mettras à 5 à 6 chemises, pas pour partir en Italie, mais faire le con pour le pays. Tu auras un cœur gros comme ça, baiseras ta femme une dernière fois, et tu passeras la barrière sans jamais regarder derrière. Ladies and gentlemen, derrière les murs de vos cités, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent, le carnaval est permanent. Et petit con, tu vas répondre à nos questions. Oui, et tu fais des... personnalité, un voyou. Je vais vous incorporer, vous immatriculer, vous saquer, vous piquer, vous raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, piquer, raser. Saquer, saquer, saquer, saquer, saquer, saquer. Allez, viens, laisse Vas-y, parle, fais voir si ça marche. Ouais, bonjour. Non, oui, ça marche. Ça très bien. Ça marche. Alors, est-ce que tu... Donc, toi, tu as fait ton service militaire? Ouais, obligé. Pourquoi tu l'as fait? Ils sont venus me chercher. À l'époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui refusaient de le faire? Oui, pas mal. Ben, quelques personnes. C'était des gens qui sont... Beaucoup de... Comment ça s'appelle? Certificat médical, quoi. Psychiatrique, P4, voilà. D'accord. Du coup, des gens qui allaient au service... Non. En fait, t'avais les 3 jours avant? Ouais, et après, ils ont... Avant les 3 jours, les gens se présentaient avec un dossier médical. Mm-hmm. Pour dire, c'est impossible. D'accord. Il y a certaines personnes qui sont aussi objecteurs de conscience. Mm-hmm. Le mouvement insoumis, à mon époque, c'était un peu... C'est débuté, voilà. D'accord. Et c'est mis total après. Donc, c'est-à-dire quoi, insoumis et insoumis tout, total? Ils refusaient de répondre. Ils faisaient condamner souvent à 3-4 ans de prison. Ils partaient en fuite à l'étranger ou en France en cachette, en clandestinité. Voilà. D'accord. Pour pas faire le service militaire. Voilà. C'était, en fait, à ce moment-là, c'était quoi? Tu avais les 3 jours et après, tu devais faire ton service pendant 1 an? Ouais, 1 an, ouais. 12 mois. Et par exemple, toi, pourquoi tu as préféré... Enfin, pourquoi tu n'as pas fait objecteur de conscience? Parce que je voulais pas faire un dossier médical. D'accord. Parce que je trouvais ça con. Objecteur de conscience? Non, c'était un truc pacifiste... Il fallait faire 2 ans de service civil volontaire. Mm-hmm. Donc moi, je m'en foutais de complètement. Aider les ONF, bon, je m'en fous. Oh. Foutage de gueule, quoi. Voilà. Bon. D'accord. Bon. Je respectais les gens, mais bon, je discutais avec eux. Après, quand je retournais à revenu de l'armée, je discutais avec eux, mais bon, il y a une très grande différence avec eux, quoi. Mais tu peux détailler un peu plus, hein? Ça? Est-ce que tu peux détailler un peu ouais. plus ça? Bah, les gens, ils ont fait, par exemple, ils travaillaient dans les forêts pour marquer les chemins, dans les associations diverses et variées, pour aider les associations, voilà. Services civils. Et toi, pourquoi tu voulais pas faire ça? Aucune, j'ai pas d'accord avec l'État, déjà. Mmh. Net. Mmh. Parce qu'aucune collaboration. Mmh. D'accord. Pour moi, c'était les associations. Les associations, c'est une collaboration. Mm-mm. Avec l'État. Déjà. Et du coup, les gens qui... Enfin, le mouvement objecteur de conscience, c'était des gens qui faisaient leur service civil? Ouais. Principalement. Ouais, principalement. Aussi, eux, ça date de... Pendant la guerre d'Algérie, Louis Le Coin, pacifisme, assez compliqué... Ben, c'est intéressant le bouquin de Louis Le Coin, qui, par exemple, c'est bizarrement, ce mec-là a soutenu quand Durruti était pris en France, après le braquage en Argentine, de banque, avec Rasco, était en France, et donc passé de frontière belge-française, était pris, et. La France voulait le renvoyer en Espagne. Alors, il était recherché comme pistolero. Voilà. Les gens qui tuaient les fascistes. Voilà. Louis Le Coin, il a fait une grève de la faim devant l'Assemblée nationale pour essayer de pour mobiliser les gens contre cette décision de retourner, qu'on renvoie ce mec-là en Espagne. Mm-hmm. Donc, là. Le genre de mec, et par exemple, la guerre de. Il a fait un appel avant 40 pour refuser la guerre. Hein. Donc, avec Genot, enfin, c'est assez large. Après, il a fait une grève de la faim pendant la guerre d'Algérie, en 60, demandait le statut de sauveteur. Il avait 90 ans presque, voilà, très vieux. Donc, De Gaulle à l'âge, quoi. Donner le statut. Donc, le statut de l'exécuteur vient de là. Après, c'était dérivé, quoi, style, voilà, comme je dis, service civil, bon, on connaît Derek, quoi. Ok, ce que tu veux dire, c'est que le début de l'existence de ce statut-là, c'est quelque chose qui vient de gens qui sont opposés au gouvernement et opposés à la guerre, et du coup, De Gaulle, il a lâché ce truc-là, comme une concession, et qu'après, c'est devenu quelque chose de plus de normalisé, l'ordre de formalité, normalisé, qui correspondait à un service civil. D'accord. Voilà, donc c'est quelque chose que je prends. Bon, bref, c'est comme ça, quoi. Et quand tu dis que tu l'as fait parce qu'ils sont venus te chercher, ils sont venus te chercher pour les 3 jours ou après ? Non, après. Je les ai fait 3 jours avant, je ne sais pas quelle année. Je ne me rappelle plus, hein, là, c'est trop vieux. J'ai demandé à l'époque, j'ai passé les 3 jours, juste après le bac. J'ai demandé un sursis, donc je devais faire des études en fac, très courte. Bon, voilà. Et ils m'ont. J'ai apte. Moi, je veux. Après, au fur et à mesure de mon évolution de vie, je voulais pas partir. Donc, ils ont venu, les gendarmes, me ramasser la maison pour m'embarquer dans une caserne, en Allemagne. En Allemagne ? Ouais. Pourquoi ils voulaient t'emmener en Allemagne ? Bah, loin, quoi. Après Stuttgart, donc tu imagines, bah, c'était une journée de demi de voyage. Voilà. D'accord. C'est un régiment, disciplinaire, c'est rien à dire. Enfin, c'était là-bas, c'était. Il y avait les Marseillais qui sortaient de prison. Mmh. Ils prenaient les gens, ils faisaient en prison. Un an armé, ils voyaient là-bas pendant un an. D'un régime, voilà. Ils faisaient l'armée là-bas, en Allemagne. Donc, tu veux dire que c'était un peu comme la punition de l'armée. Ouais, c'était un endroit. Bah, souvent, c'était les gens partaient en détention militaire. Voilà, là-dedans. Faisaient des braquages dans la mat, continuaient leur activité, quoi. Tu veux dire quoi ? Tu veux dire que les gens qui étaient là-bas, il y en a qui se sont tirés pour faire des braquages et compagnie ? Non, tu veux dire que c'était... Ils faisaient ça, ils rentraient à la caserne. Hein. La police allemande venait chercher la caserne. D'accord. Voilà, tu vois. Voilà. Bon, bref. Pas. Et alors, tu dis que c'était une caserne punition, un peu, parce que c'était quoi, le régime là-bas ? Les journées, elles se passaient comment ? Bah, c'est déjà... Bon, déjà, je pense parler de 3 jours au départ. Non, le départ, les trois, enfin, les classes. Classes, je pense, 3 mois. Je pense à peu près. 2 mois. Les classes étaient un truc pour casser les gens, quoi. C'est un truc spécial pour quand t'arrives ? Ouais. D'accord. Tout le temps, pour tout le monde. Hein, tout le monde. Ouais. Et là, c'était une marche de nuit. Bon, en Allemagne, il se fait froid. Là. C'est une marche de nuit. Et ils obligeaient les gens de courir la nuit dans les couloirs pour, avec des sacs au dos. Voilà. On a fait 100 km dans la neige. Voilà. C'est comme ça. Avec les matériels militaires, les mitraillettes, ça ne sert à rien. Quoi. Voilà. Bref. Et là... Ils ont demandé, tous les gens instruits, les plus de bac, de venir sous-officier, comme ça quoi, de grade. Mmh. Pas première classe, donc plus quoi. Et ils devaient faire de l'école. Là. Et beaucoup ont refusé, moi aussi, bien sûr, normal. Normal, enfin logique avec moi. Et on était bien copains avec les gens-là. Et ils ont pris, pendant les manœuvres, une manœuvre, un camion qui est renversé. Ça a commencé à vriller là, donc 7 morts. Donc les gradés de la caserne, ils voulaient faire une cérémonie dans la caserne. Mmh. Donc, par hasard, ils m'ont envoyé ailleurs, à l'autre régiment, pour faire une cérémonie devant le général. Donc, à Tübingen, une caserne à côté. Parce que du coup, suite à ça, il y avait eu des cérémonies ou des trucs dans différentes casernes, pas que là où tu étais. Non, là, le jour même, on fait le appel à drapeau, enfin, laïus du capitaine devant tous les soldats. Voilà. Et après, à même jour, le général d'armée faisait un discours à Tübingen, plein de soldats devant lui pour rappeler leur gloire. Ils sont sacrifiés pour la France, blablabla. Alors que c'est les camions pourris de l'armée française qui a renversé dans le ravin. C'est en mort comme ça, étouffé sous l'eau, dans le camion. Donc là, à la caserne, bon, non, j'y vais pas. J'ai les copains à raconter après. Tout le monde, toutes les personnes, ils sont retournés quand le capitaine a parlé. Tournez le dos devant le capitaine. Gardez-vous, hop, l'autre côté. En même temps, hop. Donc, les gradés, chanter avec dos tourné au capitaine. Voilà. Mm-hmm. Enfin, voilà, bref. C'est pas grand chose, mais bon, un petit truc quand même. Alors, vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 FM. On vient d'entendre un premier extrait d'un témoignage de cette personne du coup qui raconte son service militaire. Bon, on termine cet extrait avec son témoignage au sujet de sept personnes qui sont mortes en fait suite à un accident et du coup il décrit la cérémonie de ces morts pour la France à laquelle lui et ses camarades n'ont pas voulu participer quoi. Ça c'est comment se termine cet extrait. On va reprendre un deuxième extrait qui en parlera aussi. Qu'est-ce qu'on a entendu dans cet extrait ? On a entendu parler de Louis Lecoin, ce militant anarchiste qui a traversé le siècle, hein, depuis le début du XXe. Et quand il parle du bouquin, peut-être qu'on peut juste donner la référence du bouquin. En fait, c'est l'autobiographie de Louis Lecoin. Son livre, il s'appelle « Le cours d'une vie ». Et c'est une mine... C'est plein de richesses, quoi. En fait, vu qu'il traverse le siècle, il va raconter plein de trucs. Alors, il raconte, là, notre ami, il en parle en parlant du combat pour Ascaso et Durruti, qui allait être extradé vers l'Espagne, quoi. Et Jovert. Et Robert. C'était trois, ouais. Robert. Et du coup, son combat pour éviter qu'il se fasse extrader... là-bas où il risquait la peine de mort et beaucoup de prison et la peine de mort aussi, il me semble. Et la torture, là je lisais le passage. Alors on n'a pas trouvé de passage à vous lire, c'est un peu. C'est vraiment raconté au fil de la vie, du coup voilà. Mais la question de la torture en Argentine a été capitale, puisque les députés français étaient prêts à renoncer à l'extradition. À condition que ce soit vraiment prouvé, entre guillemets, qu'il y ait de la torture en Argentine. Et puis, il y a eu des articles de presse qui sont arrivés au bon moment pour convaincre le Parlement. Et du coup, Louis Lecoin et ses camarades ont tenu bon pour pas que ces trois activistes, on va dire, soient extradés et condamnés à la torture et à la mort, ou on ne sait pas quoi, en Argentine. Oui. Sur l'ordre de l'Espagne franquiste de l'époque. Du coup, c'était aussi l'enjeu de dire, mais est-ce que la France est une république et va être aux ordres de l'Espagne ? Elle n'était pas encore franquiste, du coup, on était en... on était en 27, mais bon, elle n'était pas loin d'être bien réac. Elle était bien réac quand même, ouais. Et dans cet extrait aussi, on voit son point de vue personnel par rapport à l'objection de conscience. Alors bon, c'est son point de vue personnel, on a eu l'occasion d'en parler plein de fois. Mais du coup, justement, ça dénote aussi envers la lutte de Louis Lecoing pour l'objection de conscience. Et lui, en fait, il envoyait les résultats à son époque, du coup en 73, il me semble, de que ça signifiait servir 2 ans au lieu d'un l'État français, quoi. Et lui, il le mettait sur le même plan que faire un service militaire, du coup, ils sont venus me chercher, j'ai fait 1 an au lieu de 2, quoi. Voilà, ça c'était son point de vue aussi. Et on va voir que dans les extraits suivants, et d'ailleurs on va pas passer l'entièreté de son témoignage aujourd'hui, mais peut-être dans d'autres émissions, on va voir que lui et quelques copains, ils ont mis pas mal de bâtons dans les roues dans l'administration militaire pendant leur séjour du coup en service militaire en Allemagne. Et alors pourquoi en Allemagne? Parce que l'Allemagne était occupée à cette période par différents États, quoi. L'URSS, l'Angleterre, les États-Unis et la France qui se partageaient l'Allemagne. Et donc, du coup, il y avait des bases militaires en Allemagne. Et c'est là que, du coup, cet ami, il a fait le service militaire, quoi. Et donc, on a regardé que ça a duré jusqu'en 1993, l'occupation de l'Allemagne par les Alliés. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais à dire aussi? Ah oui, on l'entend dire que la classe, faire ses classes, là, les 2 ou 3 mois, ça sert à casser les gens. Et on a choisi un autre extrait de son témoignage où il nous dit que l'armée, ça sert à être un homme, avec des guillemets. Et du coup, il va questionner ce truc-là. Et on a trouvé intéressant de vous le partager. Mais avant, est-ce que tu voulais... Après la pause musicale, tu veux dire? Ouais. Alors, je vais être le responsable de cette pause musicale. Grâce à toi, Dédé, j'ai trouvé un texte que je ne connaissais pas de Gaston Couté. Donc, c'est un texte qui date de 1904. Tu as trouvé une manière de l'interpréter, du coup? Alors, c'est ça, en fait. Donc, je vais vous proposer une manière de l'interpréter, et puis après, s'il y a une deuxième pause musicale, je pourrais vous proposer une autre manière de l'interpréter. Super. Et vous pourrez choisir en téléphonant à la radio ou en envoyant une carte postale et m'aider à faire un choix. Mais déjà, on va commencer. On t'écoute. Le fondeur de canon. Je suis un pauvre travailleur, pas plus méchant que tous les autres, et je suis peut-être meilleur au patron que beaucoup des vôtres, mais c'est mon métier qui veut ça. Et ce n'est pas ma faute en somme si chaque jour j'use mes bras à préparer la mort des hommes. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain. Si la guerre arrive, que voulez-vous? Faut ben qu'on vive. Voilà, je vous l'interprète vraiment sans musique. Je suis complètement planté, mais je vais quand même continuer. Alors là, c'est l'air de un peu la cumbia du fondeur de canon. Je vais le faire, essayer d'être plus précis. Je fais des outils de trépas et des instruments à blessure, comme un tisserand fait des draps et le cordonnier des chaussures, en fredonnant une chanson où l'on aime toujours sa blonde. Mieux vaut ça qu'être un vagabond qui tend la main à tout le monde pour gagner mon pain. Je fonds des canons, qui tueront demain. Si la guerre arrive, que voulez-vous? Faut ben qu'on vive. Et puis je suis aussi de ceux qui partiront pour les frontières lorsque rougira dans les cieux l'aurore des prochaines guerres, là-bas aux canons ennemis qui seront les vôtres, mes frères. Il faudra que j'offre aussi ma poitrine d'homme et de père pour gagner mon pain. Ouais, je fonds des canons, qui tueront demain. Hey. Si la guerre arrive, que voulez-vous? Hey. Faut ben qu'on vive. Ne va pas me maudire, ô toi, qui dormira un jour peut-être ton dernier somme auprès de moi, dans la plaine où les bœufs vont paître, vous dont les petits grandiront. Ouais, ne me maudissez pas, Homère, moi je ne fais que des canons. Ce n'est pas moi qui les fait faire pour gagner mon pain. Hey, je fonds des canons qui tueront demain. Hey, si la guerre arrive, que voulez-vous? Hey, faut ben qu'on vive, que voulez-vous? Faut ben qu'on vive, que voulez-vous? Faut ben qu'on vive. Vive. Merci voilà, pour cette chanson. Du coup, c'était une chanson de Gaston Coutet. Voilà, un chansonnier anarchiste de la fin du 19e et début du 20e siècle, qui est mort avant la Première Guerre mondiale, mais qui avait déjà pas mal, par ses textes, annoncé la catastrophe qui se préparait si jamais la guerre arrivait. Mm-hmm. Et il avait aussi bien compris les enjeux économiques qu'il y avait derrière. Faut ben qu'on vive, quoi. Faut ben qu'on vive, ouais. Alors, je vois qu'il est 17h05 et il se pourrait qu'on ait récupéré des auditeurs, auditrices, la foule d'auditeurs, auditrices qui avaient l'habitude de nous rejoindre à 17h le premier mercredi du mois. Eh bien, sachez que notre émission s'est décalée. Elle commencera désormais à 16h30 pour finir autour de 17h30. Voilà, c'est la première fois. Peut-être que vous pourrez retrouver les 30 premières minutes sur un podcast une fois que j'aurai réussi à le faire. Et donc on était avec Aline qui s'est changée en ministre de l'éducation nationale en début d'émission, et on a écouté Gaston Coutet, et aussi on écoutait un témoignage d'une personne qui nous racontait son service militaire dans les années 70, et on va écouter le deuxième extrait de... Ouais. Allez, là où on apprend comment faire un homme avec l'armée. Une armée. Ouais, avec le service militaire, c'est parti, on écoute ça. C'est le deuxième extrait et il dure 5 minutes, et peut-être qu'on aura un autre intermède musical à l'issue de cet extrait. C'est parti. On a les discours de dessous, c'était l'armée a tué, assassiné ces gens-là. Pour leur gloire. Donc là, c'est un discours anti-militariste. Mais quand tu dis tout le monde, c'était tous les gens de l'armée, ça restait les soldats appelés, qui étaient là. Appelés, ouais. Ouais. Ouais. Alors. Et en fait, donc la majorité des gens qui étaient là-bas, des appelés, c'était pas forcément des Allemands. Non, c'est Français tous. Ouais, c'était tous des Français. Ah, tous. Ouais. Et ceux qui les encadraient, c'était aussi des Français. Alors l'encadrement, alors là, c'est particulier. Cette caserne, c'est très très, très intéressant à dire. Il y avait des soldats après la guerre d'Algérie, le soulèvement. Des soldats en Algérie pour les généraux Zeller, Salan, hein, soulèvement contre De Gaulle. Hein. Mm-hmm. Bon, je ne veux pas dire extrême droite, bon, voilà, au début c'est moins clair que ça. Donc ces soldats-là, ces officiers, ils ont été obligés de partir en Allemagne. Il y avait deux choix pour eux, s'ils pouvaient quitter l'armée. Mm-hmm. Bon. Et l'armée, des fois, ils virent, hein, c'est tout, après ce soulèvement. Et ils ont renvoyé ces gens-là en Allemagne. Mm-hmm. Donc, l'encadrement, c'est ces gens-là. Donc, officiers, racistes, enfin, pas racistes, assez haineux contre la gauche, contre les contestataires. Voilà. Ils ont été mobilisés pour... par exemple, j'ai rencontré les officiers qui étaient mobilisés en 68 pour attaquer Paris. De Gaulle a demandé ses officiers de venir en France pour lui l'aider pour casser les révoltes étudiantes en 68. Mm-hmm. Donc les chantages, c'est comme ça. Fais ça, on passe l'éponge sur votre condamnation en Algérie. Donc les officiers ont fait ça. Mm-hmm. Alors là, c'est très dur parce que, bon, en même temps, formation 3 jours, enfin 3 classes, il faut montrer être un homme. Attends, j'ai pas compris. T'as dit quoi ? Il faut être un homme. Les trucs, l'exercice physique. Alors, bien sûr, les injures, PD, nanana, normal, logique, pour eux, dégradé. Même un copain, il est à la suite d'une journée, il s'est suicidé. Après un jour, quoi. et jeter le deuxième étage. Un mec de Gap. On n'a jamais revu. On ne sait pas. Peut-être il a envoyé un d'ascension, peut-être. Je ne sais pas. Mais parce que tu veux dire, en fait, il s'est jeté, ouais. Mais il n'est pas mort. Non, on ne sait pas. On l'est tout de suite ramassé, tout l'officier autour, empêché d'approcher. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Mec, je me rappelle les exercices qu'on faisait. Alors, ce truc parce qu'on est combattant, de merde. Voilà. Exercice physique assez dur. Il faut aller monter une échelle en corde. Il faut faire une pirouette en haut, l'échelle de corde. Faire pendre les bras, plein de gens. Moi, j'ai refusé. Non, l'échelle chaude, moi, je m'en foutais. Et lui était jurié. Un brave gars, hein. Un paysan de mec de Gap, gentil, et il n'a pas supporté l'injure PD, c'était une lopette, voilà. J'en passe devant tout le monde. Quoi. Mm-hmm. Après ça, il a chialé, il est rentré dans sa chambre, il n'a rien dit, seul, et balancé. C'est balancé devant lui. Voilà. Voilà. Mm-hmm. Les classes, c'est ça, hein. C'est un truc cassant. Quoi. Mm-hmm. Et. Discussion là-dessus, l'armée ne rend pas homme. Voilà, on discutait de ça. Voilà. On buvait en même temps avant. On discute beaucoup parce que le réflexe à la con des militaires français, appelés français, donc bien sûr, ils sortent le samedi, ils se comportent comme les cons, quoi, en ville. S'il est en boîte de nuit, on va réveiller les filles allemandes. Et si jamais les Allemands réagissent, et le jeune Allemand, on se tape entre tout. Voilà. Je suis un pauvre travailleur, pas plus méchant que tous les autres. Et je suis peut-être meilleur au patron que beaucoup des vôtres. Mais c'est mon métier qui veut ça, et ce n'est pas ma faute à moi, si chaque jour j'use mes bras à préparer la mort des autres. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain, si la guerre arrive, que voulez-vous ? Faut ben qu'on vive. Je fais des outils de trépas et des instruments à blessures, comme un tisserand fait des draps et le cordonnier des chaussures, en fredonnant une chanson où l'on aime toujours sa blonde. Mieux vaut ça qu'être un vagabond qui tend la main à tout le monde. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain. Si la guerre arrive, que voulez-vous? Faut ben qu'on vive. Et puis, je suis aussi de ceux qui partiront pour les frontières lorsque rougira dans les cieux l'aurore des prochaines guerres. Là-bas, aux canons ennemis, qui seront les vôtres, mon frère? Il faudra que j'offre aussi ma poitrine d'homme et de père. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain. Si la guerre arrive, que voulez-vous? faut ben qu'on vive. Ne va pas me maudire, ô toi qui dormiras un jour peut-être ton dernier somme auprès de moi, dans la plaine où les bœufs vont paître, et vous, dont les petits grandiront, ne me maudissez pas, ô mère. Moi, je ne fais que des canons, ce n'est pas moi qui les fais faire. Pour gagner mon pain, je fonds des canons qui tueront demain. Si la guerre arrive, que voulez-vous? Faut ben qu'on vive. Wouh! Merci. Bah merci. Puis je pense que c'est une chanson qui peut vraiment avoir du succès à Saint-Étienne, parce qu'il y a des gens qui fabriquent des canons ou l'équivalent. Donc voilà, c'est pour essayer d'être un peu local, quoi. Bah ouais, moi je me disais, on peut faire une spéciale dédicace à Vernet Caron, par exemple. Ah carrément, mais oui. Et aux pauvres travailleurs, pas plus méchants que tous les autres, qui travaillent à Vernet Caron. Spéciale dédicace. Spéciale casse dédiée au Banc National d'Épreuve à Vernet Caron. Au laboratoire Hubert Curien, à Nexter, à Thalès, à Safran, qui sont tout à côté de Saint-Étienne, et dedans et autour. Voilà. Peut-être que les personnes qui nous écoutent pourront choisir entre ces trois airs différents de la même chanson. Alors pour l'instant, on en a que deux. Je ne sais pas si on aura. J'ai foiré un peu le premier, du coup, je ne sais pas si on aura le troisième. Est-ce que. Ouais. Ok. Bah... Bon, peut-être, allez. Ouais, en tout cas, il y a. Voilà, là, il y a encore. Il faudra que je te réinvite. Si on n'a pas le temps cette fois-ci, on pourra en refaire d'autres. Ah, carrément. Et du coup, il y a encore un morceau de témoignage. Ouais. On a encore un extrait de témoignage. Donc là, on a vu plein de choses déjà à travers ces témoignages. Et le troisième témoignage qu'on a choisi, alors en plus de que l'armée elle tue ses propres soldats avec des accidents, les classes servent à casser les personnes, en plus d'apprendre ce qu'est un homme. Et ben en fait là, notre ami va nous raconter que il avait bien envie de foutre le bordel aussi pendant son service militaire. Et ben voilà, on l'écoute. On l'écoute maintenant. Tu nous vois après au bar. D'accord. Donc, on discute un peu, blablabla. Et ça permet de faire un petit réseau. Quoi. Mm-hmm. Un gros réseau. Alors, je suis rentré en février 73. Donc... c'est une année qui a permis de beaucoup de choses. En plus, le habillement, on faisait des manœuvres, on suivait des manœuvres. Mmh. On était jusqu'en France, en camion. Donc ça a permis de contacter les gens. Aussi, une autre caserne, voyager en Allemagne, aussi d'autres casernes, passer des messages. Quoi. Voilà. Mmh. Donc ça a permis de discuter. Parce que toi, en fait, t'en attendais quoi de ça? Qu'est-ce que tu imaginais possible à ce moment-là? Oh, foutre le bordel. C'est tout. C'est, voilà. c'est empêcher l'armée de fonctionner, voilà. Mm-hmm. C'est tout. C'est pas grandiose, mais je pensais pas à la révolution. Hein. C'est non, mais ça, c'est bien, ouais, foutre le bordel dans l'armée. Voilà, bon, c'est tout. Hein. Bah, ça a permis de... Donc... ça a permis de... apprendre le maniement des explosifs, hein, c'est pas mal. Bon, on écoutait que seulement qui je reconnais, hein. Mm-hmm. Faire ça, le quoi, bon, c'est bien, ça peut servir, on sait jamais. Voilà, et après, donc, toute l'année, on a fait le bordel, toute l'année, dans la caserne, et chaque fois, on faisait connaître toutes les casernes en Allemagne. Comme je circulais, d'autres circulaient, on se connaissait. D'autres, on va circuler et on rencontrait les gens, les Allemands autonomes. Autonomes, pas anarchistes, c'est pas marxiste déjà. Donc, je sais pas, on parlait pas beaucoup allemand, c'était une conversation en anglais. Donc, bon, je sais pas qui c'est, hein, assez les gens conflits. Bon, voilà. Et ça a permis de beaucoup de choses. On faisait les tracts dans la caserne. Les Allemands traduisaient les tracts, distribuaient à la fac de Tübingen. Voilà. Tracts. Par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple d'un tract qui avait été fait, à quelle occasion Nous, principalement, je me rappelle, hein, on dit aux Allemands, nous, on veut être libre. On ne veut pas vous emmerder, mais on veut, nous, principalement, on veut vivre libre, on est enfermé. Voilà. Et bon, on a commencé à discuter. Effectivement, là, on met en place un bordel, la fête du régiment. Donc, les fêtes du régiment, comme en France, hein, maintenant aussi, le pays, c'est pareil. La fête du régiment, démonstration devant les enfants, maniement d'armes, enfin, une connerie. Quoi. Voilà. Images. Les stands, tous les gradés faisaient un stand joli pour attirer les gamins, pour inciter le passer le militarisme dans la tête. Et on s'est vu avant, les jeunes Allemands, on a discuté beaucoup. Nous, on a pris en charge l'anti-propagande dans la caserne. La veille de l'ouverture de porte ouverte, c'est dimanche, le samedi soir, pas mal de gens ont tagué toute la caserne contre l'armée. Donc un gros tag et grosse peinture, c'est pas de bombe à cette époque. Bon, peinture, ça n'existe pas. C'est pinceau et peinture. Là. On a repeint tout, enfin, beaucoup de bâtiments officiels. Enfin, le bâtiment du capitaine, la cantine, enfin, tout comme il faut. Et même, on a peint le garage parce qu'il faisait des visites aux jeunes Allemands, enfin, jeunes gamins, quoi, les familles, voir les chars, les jeeps, là. grosse peinture devant la porte, voilà. Et bon. Les gradés, ils ont vu ça, la relève, ils ont vu ça au matin, juste au moment d'ouvrir le déjeuner. Donc, 7 heures, branle-bas dans le combat, il faut peindre partout, repeindre dessus. Voilà. En plus, la peinture, c'est la peinture noire du goudron. Donc c'est difficile à disparaître. Voilà. Et ils ont condamné les gens par mitard en prison. Les gens qui ont fait des conneries, on met les gradés, envoyé les gens quelques jours au secret. Voilà. Donc ils ont condamné ces gens-là pour nettoyer les peintures, tu imagines la vitesse. Ça part pas, je comprends pas. Voilà. Et après, donc, ils ont déliré les officiers. Oui, sûrement les Allemands sont rentrés la nuit dans la caserne pour peindre ça. C'était des tags en français ou en français, oui, en français. Ben, en allemand aussi. Les deux. Oui, parce qu'en allemand, vous voulez parler aux Allemands. Parce que on avait rencontré les Allemands pour apprendre la phrase comme il c'était faut. C'était quoi qui était écrit? Je ne vois plus. Assez dur, enfin, normal. Et donc, en même temps, les jeunes étudiants, ils ont distribué des tracts aux familles pour expliquer, voilà, ces soldats, ils ne sont pas d'accord avec ce truc-là, vous rentrez dans un lieu d'enfermement. Voilà. Tu vois, c'est pas... Bon, mais en allemand, donc, bordel, t'imagines un peu les gradés devant la porte, rentrez, prenez pas ça. Ils ont envoyé la police militaire de la caserne. Attends, c'est la police militaire faite par les appelés. Bon, mec, doucement. Ils voulaient sortir... Enfin, leur seul truc, c'était, on n'embête pas les Allemands, parce que si jamais on sort en ville, après, ils vont être tranquilles, quoi. Il faut leur bouffer les restos, hein. Bref, voilà. Donc, tu vois, cette ambiance était bien, assez intéressante. Bon, ça a permis de beaucoup de relations avec les gens. Même les gens de Marseille, donc qui ont fait une prison, beaucoup, et ils sont rentrés dans le truc marcher avec nous, quoi. Bon. C'est compliqué, eux, ils étaient hyper violents, ils balançaient, une fois ils sont révoltés, ils ont balancé des armoires, leur armoire de fringues par la fenêtre, les lits et tout. Ils ont tabassé un gradé, voilà. Bon, bref, assez dur. Hein. Et alors, ils ont envoyé deux, trois personnes en prison extérieure. Voilà. Et ça s'appelle Pazon, etc. Voilà. Bref. Là, leur punition, il fallait qu'ils chantent des chants à la con, quoi, style Légion, enfin, les chants dégueulasses, bien sûr racistes, bien dégueulasses. Et ils ont refusé. Et il pleuvait, ils ont refusé de chanter. Et leur exercice, c'était, tout le monde allongé, il y a des chars, il va passer au milieu de vous. Les chars roulaient et étaient les gens allongés sur la route de la caserne, et les chars passaient dessus, les gens, pour les faire craquer. Personne n'a craqué, elle a eu peur. T'imagines un peu un char de plusieurs tonnes qui roule, tu vois, passe souvent. Ils ont pas, personne n'a craqué. Et même mieux, certains a touché l'avant du char. Bref, pour dire que votre truc. Tu vois, c'est ça. Là. Eh ben, merci, merci pour ce témoignage. D'ailleurs, on t'embrasse bien fort. Hein. J'espère que tu écouteras cette émission qui, malgré la coupure de courant monumentale qui a fait paniquer tout le studio, c'était assez drôle de voir tout le monde courir dans tous les sens pour trouver où étaient les plombs pour les remettre, attendre fiévreusement que les ordis se rallument pour qu'on récupère ce précieux témoignage. Voilà, heureusement qu'on avait de l'analogique avec nous, en l'occurrence Aline qui nous a chanté la chanson de Gribouille. Là, c'est que je connais pas encore la fréquence, tout ça, pour faire les jingles, mais bon, la prochaine fois je réviserai, quoi. Je me rends compte qu'ici il faut pouvoir se débrouiller sans matériel, quoi. Ouais. C'est un peu une radio low tech, mais ça marche bien, hein. Ça marche bien, vous nous entendez? Ouais, super. Bah, d'ailleurs, on peut rappeler qu'on est sur le 89.5 FM, ah, bah, voilà, sur Radio Dio, et on arrive au terme de cette émission qui s'est décalée, au lieu d'être de 17 à 18, ben, dorénavant elle sera de 16h30 à 17h30. Et peut-être qu'on peut se quitter en disant l'habituel. Il y a une petite annonce. Ah oui, il y avait la petite annonce à faire, quand même. Alors, ce sont des rencontres autour des mémoires de Albert Paul Lantin, du coup, qui était journaliste et militant anticolonialiste, dont une partie de la famille, une partie des amis avaient envie de se retrouver autour de ces mémoires. Le dimanche 13 octobre, entre 14 et 19 heures, à la CAL, Amicale Laïque du Crédit Rock, 16 rue Royer, à Saint-Étienne. Voilà, ce sera entrée à prix libre, servant à défrayer les intervenants, et le reste des fonds sera reversé à Medical Aid for Palestinians. Et du coup, moi, je ne peux pas trop développer sur Albert Paul Lantin, parce que on n'a pas eu le temps de se renseigner beaucoup, mais du coup, peut-être que vous pourrez voir par vous-même. Peut-être, on m'a conseillé d'aller voir le Métron, le dictionnaire anarchiste qui regroupe pas mal de personnes un peu historiques comme ça, et leur parcours, quoi. Et peut-être que vous pouvez vous renseigner par vous-même, ou alors venir à ces rencontres autour des mémoires de Albert Paul Lantin. Rappelle la date. Le 13 octobre, à partir de 14h jusqu'à 19h à l'Amicale Laïque du Crédroc, 16 rue Royer, à Saint-Étienne. Et on a l'habitude de se quitter en se disant « À bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte !» Dans les ruines fumantes, les femmes se lamentent sur le cadavre des garçons. Sur tous les champs qu'ils nous piétinent. Et si quelquefois on murmure, la fourche ne casse pas l'armure, c'est pas encore qu'on mangera tant qu'il y aura des soldats. Tant qu'il y aura des soldats. Le sang couvre la route, les armées en déroute, nous reviennent de Russie. Viens ma femme cherchant cette chair à canon, cache peut-être notre enfant. C'était un bien joli garçon avant qu'il l'ait pris engagé et qu'il ne pas au bal qu'on les verra, les enfants aux jambes de bois. Tant qu'il y aura des soldats. Et le bleu horizon, comme mon soleil couchant, rappelle un peu le rouge sang. Encore une tranchée vient de dégueuler ces temps de corps déchiquetés. Éclat d'obus dans la poitrine, les gaz ont rongé tes poumons. Plus de 3 millions d'orphelines, merci aux marchands de canons. Y aura toujours un monument pour te rappeler le bilan. C'est pas encore ton qu'il y aura des soldats. Puis vint le grand guignol, au plateau ses venoles, avec ses comédiens guerriers. On les verra garder les tanks et les fusées, nouvelle race de bergers. C'est un bien joli pays, celui qui a donné la vie à tous ces milliers de brebis qu'il remplace par des moutons. Tant qu'on verra sur des plateaux, qu'ils soient des Andes ou des Cévennes, des soldats attendant l'aubaine, à 10 ans avec soi la haine. On n'oubliera pas que la guerre ne sera jamais la dernière, tant qu'on verra ici ou là défiler l'ombre d'un soldat. On n'oubliera pas que la guerre ne sera jamais la dernière, tant qu'on verra ici ou là défiler l'ombre d'un soldat. Después una temporada se volvieron para acá. Se temblaron los burgueses, no fue por casualidad. ¡Vaya aventura, no lo sé! Tres balas negras de plomo que apuntan al poder. Buena aventura, borrote. Tres balas negras de plomo que apuntan al poder. Que apuntan al poder. Que apuntan al poder. Muchas gracias.